laisse-moi t'aimer sans détour. Cherche au fond de toi, tu trouveras l'espoir. Cherche au fond de toi, tout au fond de toi. Cherche au fond de toi, tu trouveras l'espoir. Cherche au fond de toi, tu trouveras l'espoir. Cherche au fond de toi, tout au fond de toi. Cherche au fond de toi.